deux Malabar qui viennent juste d'arriver. Qui s'appellent Tortelier Batax. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'ils vont foutre. Ils sont toujours à la bourre, comme d'habitude, mais ils préparent du lourd. J'espère qu'ils vont mettre un peu de soleil en même temps. Allez, ça continue sur Panique, sur les ondes. C'est ça! Tortelier Batax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Bonsoir, bonsoir Bruxelles, bonsoir Arbatax, vous écoutez Tortoli et Arbatax. C'est ça, bravo. Tous les mardis de 17h à 18h, c'est Tortoli Arbatax, c'est bien dit. Bienvenue à vous les auditeurs, cette semaine on va se faire comme d'hab, vous retrouverez l'agenda culturel de Bruxelles. Donc on parle plus spécialement bruxellois, ça ce sera la mi-émission. Il paraît. Mais là on va se faire un générique et puis cette émission est un petit peu sous le signe du... Quoi, du dub un peu? Du V comme victoire. Sous le signe du V. Toujours. Du V comme les UV aujourd'hui. On part sur un générique un peu pourrave et puis après on vous explique un peu le contenu quoi. C'est ça. T'as donné le contenant, voilà le contenu. Une explication sur ce générique? No comments, je pense. Vous êtes de retour, Tortoli et Arbatax. On est de retour, vous êtes de retour, on est tous de retour. C'est génial. De retour, c'est ça. C'est t'écoute. L'émission du 15 mars 2011. Non, mais il y a des mecs, des fois, dans leur voiture, ils savent pas. Ils savent pas quel jour, quelle heure. Et plus, en plus que cette émission est écoutable en direct, donc si tu connaissais pas la date, on est le 15 mars, mais c'est aussi que cette émission est podcastable et réécoutable sur le site de Panique à radiopanique.org et puis aussi sur le Facebook, vu qu'on met un petit Mixcloud sur le Facebook de Tortelier Batax. Donc voilà. Donc voilà, il est peut-être 22 mars pour toi ou 38 ou on ne sait pas. En tout cas, pour nous, il est 15. Il est 15 mars. Et le 15 mars, on est sur une thématique, Tortoli. On parlait un peu de reggae, de dub. Yes, yes. Pourquoi? Parce que ce week-end. Non, vas-y, je sais pas. T'as une question peut-être? Non, pourquoi? Ah, parce que ce week-end, nous étions à la soirée Aquabass Volume 2 organisée par Native Impact. C'était au Rixboat à Bruxelles. Voilà, c'est ça, au Quai des Péniches. Et il y avait Big Arinx en invité. En invité, en tête d'affiche, puisqu'il y avait aussi d'autres sound systems. bruxellois. Et voilà, en fait, on s'est pointé là-bas et en fait, on avait comme par hasard dans notre petite poche un enregistreur. Et du coup, on s'est permis de prendre quelques extraits de cette soirée. Donc si tu y étais, si tu étais au Rixboat samedi, bah écoute, tant mieux pour toi parce que là, tu vas revivre ta soirée. Et si tu y étais pas, bah t'inquiète, on t'y emmène. On t'emmène par la main. Tu vas voir, ça va commencer dans la file d'attente. Devant la péniche où il y avait un petit peu d'agitation parce que c'était blindé de monde et ensuite on va vous emmener dans le bateau où on a rencontré Biga comme ça, une petite rencontre improvisée. Il va nous lâcher deux trois belles paroles et on va se mettre du coup quelques morceaux de Bigarynx. Vous inquiétez pas, ça dure 10 minutes. Juste pour rappeler, Bigarynx, c'est un MC français qui vient de Tours, qui a 22 ans. Ça, il le dira peut-être lui-même. Ça, et, je pense qu'il va le dire dès le début. Et voilà, il a un flow de malade. C'est une petite petite vedette montante du reggae français. Donc voilà, il était sur Bruxelles. On l'a pas raté. Vous allez en profiter. C'est Tortoli. Et Herbatax, c'est le 105.4. Voilà. On se rejoint dans 10 minutes. Attends. Et t'aimes ça? Ya now! Il sait ouais, pas, non? Laisse-la passer. Viens un peu la grille. Le flamand devant! Mais bon, une fois que tu y es, tu peux faire. Je suis le fils de Barney Weaver. Trémon, laisse sortir, s'il vous plaît. Ok, pas de soucis. Fais rentrer, faut sortir. Dérange des voisins ou quoi? C'est où le voisin? Et le poisson mort là qui est dérangé. Un poisson mort. Apparemment il y a une bicyclette qui gueule. C'était juste un poisson mort. Oh madame. Il y a un vélo dans le canal qui gueule. Attends les gars, vous étiez là depuis quand? Et puis non les gars, faut pas rigoler. Non. Tout le monde va rentrer. On laisse passer. La Ligue des Champions. S'il vous plaît, 5 euros. Prépare l'argent. J'ai mon cachet. J'ai l'argent, j'ai récolté l'argent, c'est bon. J'ai bien tout. Ça me rappelle un concert de Pierre-Paul Jacques en 97. C'est Pierre-Paul Jacques. Ça me rappelle une soirée bien. Qu'est-ce que tu as fait? Arrêtez. Deux personnes. On est deux. Où est la toilette? Où est la toilette? Ici, 5 euros. C'est bon, la thune, c'est pas un problème. Si, c'est maintenant le problème. Sinon, tu sors. Non, mais je vais payer. Non, c'est bon, c'est le. On est plus de thune. Non, mais c'est pas ça le problème. C'est juste que c'est stress, donc il faut aller speed. Donc vous sortez 5 euros et c'est basta. Bah, viens, la belle. Mène plus vite que 2 euros comme ça. Plus vite que 2. Allez, balance. 2 fois 2, 4. Et puis on est vieux. Et un peu un et puis ok là. Ok. Tu t'autographes et tout. Et si c'est pas la classe ça? Ça va, ça le fait. Allez, vas-y. Cachet, on est au cachet. Yeah, it's all about the looter yard. The man could split both the man could looter. Man could lift it. Hey, dirty boy can work side away. Hear me now. Listen when me speak, them off in this. And when me chatter, listen when me speak. And when me chatter about that. Because listen when me speak, them off in this. And when me chat, Luther. Once again you rise it up, shot yo. Could be same, you could be fat, you could be white, you could be black, you could be bald, let up dreadlocks. Say, could me stand bigger, attack them every time that me come. Pound the microphone. Hey Luther, we are free from the session. You could be up, you should be down. You could be in, you could be there. You could be man, you could be sad. I will be glad. Don't ask me why the T jump and I go die. Represent the mix and when you call it my sayo. It's a shame the way they mama shove them brain. Why I think you make all things and we'll lay back again. It's a shame. Me come be tell the whole of them from the live by the drugs. By the drugs they will be slave. It's a shame the way they mama shove them brain. Why I think you make all things and we'll lay back again. It's a shame. Me come be tell the whole of them from the live by the drugs. Hear me know. So much cocaine, so much before Steve Dog. Go and go tell the world that Mr. Bigger as Swift that yo. Special week request to the youth, please vote. Cause a ganja we smoke, we not junk, we black daddy. One of them go get them a me enemy. Come a big up Luther, me a go big up BP. Them a mash up them brain, them a destroy them body. Yes, I Mr. Bigger, come compete all everybody. It's a shame the way them a mash up them brain. Why a chimica things and bully pack cocaine? It's a shame. Me come fi tell the whole of them from the live by the drugs. And Luther, when me say House of Villa, turn the side for the mercenary. Me happy step on the back of pin and then I trust my enemy. Cause none of them even men will frighten me. And none of them even men could guide over me. Because they fuck wicked with no responsibility. Man, Mr. Bigger, back again about to the bed. Because of them I feel alright. They look miserable. Them I break up them brain like they break up a girl. Yo, easy Mr. Luther, you are come terrible. Tell it to the nation, we go tell it to the people. Quang you tell the whole of them it's so simple. To smoke the ganja as free, but sickle, sickle, sickle. It's a shame the way them I mash up them brain. Why a patchy make all things and will live back okay. It's a shame. Split vote, I tell the whole of them from the leave. By the drugs, they will be safe. Because so much cocaine and it up, it disappear. Go and go tell the whole of them, 77 women want it. Hey, yo. Donc voilà, je suis de la génération 88. J'ai commencé la musique quand j'avais 13 ans. J'ai commencé par le reggae roots avec aussi un côté hip-hop. Voilà, j'ai tout mixé. Et puis voilà, ça fait depuis 2004 que je fais des soirées et que je tourne partout en Europe et dans le monde pour représenter un message contemporain et puis rempli de choses bien et voilà, de bonnes vibes quoi. Voilà, on se prend pas la tête, on fait ce qu'on aime et on vit de ça et c'est comme ça. Alors ce soir Biga on te croise, ici on est là en direct de la soirée Aquabass, yeah. C'est la volume 2, yeah. C'est sur le Rixboat. Toi-même tu sais, bruxellois, tu connais cette soirée, peut-être que tu y as été, tu vas écouter ça. Biga, t'es ici avec ton frère, ton sound system, c'est quoi, c'est Bandalero? Bandalero, c'est avec lui que j'ai commencé la musique, voilà, c'est mon grand frère, bon, c'est lui qui m'a un peu mis dans le bain, quoi, tout ça. Et ouais, on s'est déplacé la soir avec aussi Spliffoat, Green Cross, un pote avec qui j'ai commencé la musique, qui a pu partager la scène ce soir avec moi, et c'était vraiment, vraiment wicked, parce que les gens, ils sont vraiment réceptifs, et il y a vraiment une bonne ambiance, je kiffe Bruxelles, BX to the maximum. Pour tous les massifs, yeah. B.I.G. démocratie. Yeah man, for people living luxury. Yes I. Yeah, that's where you're bad. B.I.G. democracy. For people who live under luxuries. Yeah man, yo. Me want me gun, the power should be. Cause me also the bomb me use. Me want me gun, the power should be. Cause me also the bomb me use. Me want me gun, the power should be. Cause me also the bomb me use. Me want people me bend. Food and some money we spend. Go on a trip with me, big on to friends. Me big in 2007, I'm me friends. And me big on to army name. Me wouldn't me give me, wouldn't me feel. Me straight and me no bad. For all of me tongues and all of me chica. The rhythm me go kick ya. Smoking up me eggs and me sipping all of me liquor. Give me some noise, fall it on. Fall it on. One of our clothes when we come. Big around, send a rage in storm. Me friends come and that's a good attack. Yeah. Rich like real, yes, bitch, I will. I'm so sure. And blood, just watch for the skill. Golden power should be cause me, answer the bomb me youth. Me want me, golden power should be cause me, answer the bomb me youth. Golden power should be cause me, answer the bomb me youth. Me want me, best me, Ben Mook. I'm a serial gangster, get money. When we step up in the street, they're not funny. Nobody go on in the end, like you know me. Me put me down to a pony. C'était en anglais, en jamaïcain, j'ai fait un séjour en Jamaïque. Comment t'as chopé, voilà, c'est ça, c'est la question que j'avais posée. Comment t'as chopé ce flow? Je suis en fait, quand j'étais au collège, quand j'étais en 5e, 4e, j'écoutais beaucoup de reggae et j'achetais des vinyles. Et voilà, c'est un petit monde, donc je traînais dans les disquaires. Et vu que j'étais tout petit et que j'étais tout jeune, et ben, je me faisais remarquer. Ça m'a permis de me faire des contacts et c'est un monde qui est assez fermé un peu. C'est un peu pour résumer le truc, et voilà. Et puis je suis arrivé là-dedans, et voilà quoi. Mec, t'as un putain de flow en anglais. Est-ce qu'on aura l'honneur de t'écouter ou de pouvoir t'entendre une fois en français? Ouais. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu l'as déjà fait? Je parle tous les jours français. Après, je pense que tu vois, le français, c'est une langue qui est très riche et qui est très noble. Et ceux qui ont fondé vraiment la poésie française, c'est des grands noms. Et ils ont fait des grandes choses. Et moi, voilà, je prime la musicalité avant tout. Et je pense que l'anglais, le jamaïcain, c'est plus musical que le français, là. Okay. Donc, voilà, j'ai toujours écouté de la musique anglophone. Je fais de la musique anglophone. J'ai des racines anglophones. Je parle souvent anglais. J'ai tout le temps. Je sais pas, moi, je fais de la musique et c'est la musicalité qui prime. Et c'est pour ça que, voilà, je chante pas en français. Mais peut-être qu'un jour, je m'exprimerai sur des textes et tout. Pourquoi pas? Peut-être sous un autre. Oh. Where you see Captain? Where you see bigger ranks? How do you come in France? You want to see a year from the flight by now, yeah? Yeah, how was your flight? Wonderful, my brother. Read him up! Kick it, select a loader. You don't know if you're the cameraman. Yeah! When it's all about Joseph Cotton. Longside bigger ranks. The man who spend the most is France. Sit down. Yeah. When it's all about France. We make the girl look bold. Jump on France. We don't give them no chance. It's like this. Yo, big up, then. Will you show that see me a little slim thing when me step up on the big, big apron and thing? Step up on the shall the gold airport and thing. Me look up in the sky, me see the sun shining. Me look up in the sky, me hear the bell them sing. We jump in the car, start the driving. But we are ragamuffin. If we hear the girl them from down and rinsing, they say big around you have to ride it ready. And we no business who a shock, and we no business who a sting. And we no business that cause I not pay waiting. Say when we come and dance, you know we keep chanting. And when we come and dance, we make the girl dancing. In case you never know me, say we everlasting. You know, say Mr. Joseph put on the fund, the money spending. In case them never know, I am the music victim. Yes, I'm the big guy. And sleep. Should I see me a little slim thing? Yeah! Mais bien sûr, parce que moi je suis un mec qui écoute. Je vais pas dire que j'écoute de tout parce que c'est impossible d'écouter de tout, mais j'écoute beaucoup de choses et je suis influencé par beaucoup de choses. Après voilà, j'ai commencé ma carrière musicale par le reggae et par un espèce d'hybride avec le hip-hop. Bon, maintenant, demain, je sais que ça sera peut-être autre chose. Et bien sûr, mon amour, il est dans le hip-hop, il est dans toutes ces musiques, il est dans la global music. Faut arrêter maintenant le délire des styles. Il y a plus ce truc là. Faut créer maintenant le reggae, tu vois, plus hip-hop, quoi, qui revient à mes racines. Parce que moi, ce que je veux aussi, c'est être authentique avec moi-même et authentique avec ce que je fais. Parce qu'il y en a beaucoup qui chantent du reggae et qui vont, voilà, s'approprier une image qui est pas vraiment la leur. Moi, je représente ce que je vis, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Moi, je suis un C'est franc, je suis là, je chante. Peut-être que je vais chanter en argot jamaïcain, mais parce que voilà, je fréquente beaucoup de Jamaïcains et que c'est aussi mon univers et que c'est mon monde. Et voilà, et je suis là juste pour représenter et pour me dire, pour chanter sur ma vie, sur ce que j'aime. Et je me prends pas la tête. Et bien sûr que je serai toujours authentique sur mes origines et sur mes influences musicales. Alors demain, bien sûr, j'espère revenir avec des big trucs hip-hop, Wu-Tang style. You know, we're wicked and wild. J'invite tous les auditeurs adorés à aller sur www.bigaranx.com ou aller sur le myspace/bigaranx. Voilà, vous tapez Bigaranx de toute façon sur Google, vous allez être renseigné sur YouTube. Voilà, il y a un album qui arrive très bientôt, il y a le Most Boss 2 qui arrive très bientôt. Voilà, donc ça va être du très très lourd. Excellent. Et puis voilà, il y a plein de singles qui vont arriver. Yeah. On leur fait des gros bisous. Ah, on leur fait des gros big ups surtout. Merci big up. B.I.G. démocratie. Yeah, but people would live on the luxury. Oh, you see me. Step up, step up, step up. Big up all of the real promoter. When we tired of the whole of them a choker promoter. When we not give a fuck about the choker promoter. Most boss not play a choker promoter. Choker promoter. Promoting is a habit some man can maintain. When most boss are coming at the show, you better save your money. First they tell you about the big contract, and then them break it. Then they tell you about the big money, but we never get it, never get that. No free kid promoters, they are the one fi call we. Like they never hear the thing, I saw some wrong come call we. Finally you find out those fellas know I'm not feel it. No people in the dance and them not give me no weed. So they better find a way and strategy fi pay we. But the whole of them my friend, no borrow them don't play money. Fuck with most boss, it end up in a tragedy. Them can't tell no lie to me like them tell them poppy. Like they never see the be a bad man side away. Jump on the stage, disrespect you on your own party. We bring you up in and we won city. Yeah, boss, yeah. I saw the governor Aguan. I saw the brigante Aguan. But I mean, I saw you one most boss in your dance. The governor plus bigger ranks. I saw the girl in gonna bounce. When we tired of the whole of them a choker promoter. When we not give a fuck about the choker promoter. Most boss not play a show for choker promoter. Choker promoter. Hey. Promoting is a habit some man can maintain. No, no, no. When most boss are coming at the show, you better save your money. Yeah, yeah, yeah. First they tell you about the big contract and then them break it. Pulling feet to die. Then they tell you about the big money, but we never get it, never get that. Most boss and Jojo, but promoter we no worry. We no worry if them bad mind a gun them a carry. We no worry about your gear, but your fame, but no money. If I no link up with most boss, so I be straight up and go sorry. Joker promoter, better run One suck on no more mocha, you dumb, fucking dumb. On no blood clad, fuck we not depend pun. Cause this your one is Joker promoter song. When we tired of the whole of them a choker promoter. When we not give a fuck about the choker promoter. Show you not fi play fi them a choker promoter. Promoting is a habit some man can maintain. No, no, no. When most boss are coming at the show, you better save your money. Yeah, yeah, yeah. First they tell you about the big contract and then them break it. Holding feet to die. Then they tell you about the big money, but we never get it, never get that. C'est Radio Panique. C'est 105.4, c'est Tortoli et Arbatax. C'est une forme de virus, genre Ebola. C'est formidable. Hey yao, j'espère que vous avez kiffé. C'était donc un gros focus. Un gros focus, ouais. Voilà, c'était un. J'en connais. C'était une sorte de reportage qu'on a fait le week-end dernier, la soirée de samedi dernier, qui était au Rixboat, qui accueillait Bigaranx en tête d'affiche. Pas du côté de la colle, mais de mon côté de l'affiche. Et nous étions en immersion. Et nous étions là, donc vous avez eu le droit à la file d'attente, vous avez eu le droit à pas mal de trucs. Yeah, yeah. Non, mais ça va, interview, c'était nous bien marrant. On le remercie, on lui fait un gros big up à lui et à toute son équipe. C'est ça. J'ai pu, moi qui connais bien ta voix, j'ai pu reconnaître quand tu parlais. Quand est-ce que j'étais prêt. J'ai trouvé que t'étais bien frais, quoi. Non, bah bien frais. Ouais, comme vous avez pu comprendre, c'était voilà une petite rencontre improvisée. aux petites heures du matin, quoi, pendant la soirée. Donc voilà, c'était organisé par Native Impact, c'était Aquabass Session, c'était la 2. Et voilà, on vous a entrecalé des petits morceaux de Bigarinks. Dans l'ordre, c'était It's a Shame, il y a eu le Golden Parachute, il y a eu un petit freestyle avec Joseph Cotton, et enfin à la fin là, c'était le morceau qui s'appelait Joker Promoter, issu de l'album de Bigarinks, et qu'il fait en duplicate avec Governor, un autrichien, et l'album s'appelle Must Bus. En parlant de ça, vous avez peut-être entendu dans l'interview, il disait qu'il y avait l'album Must Bus volume 2 qui allait bientôt sortir, donc restez connectés pour la sortie de cet album. Je voudrais juste rappeler, voilà, que Bigarinks, eh ben, il tourne avec un son de système qui s'appelle Achili Bandalero. Dans l'interview, il a parlé de ça, il a dit que c'était son frère, en fait, son confrère. Et voilà, ce week-end, ils retournent en France, ils sont du côté de Grenoble et d'Annecy. Première partie de Ragasonic, rien que ça. Ils partent après au Danemark, etc. Cet été, ils seront au Guil Reggae Festival en Belgique, là, en Flandre, à côté d'Anvers. J'espère que ça va pas trop les chatouiller. C'est le Guil. Ce sera le 5 et 6 août 2011. Et puis voilà, pour retrouver quelques infos sur Bigarinks, vous allez sur bigarinks.com, ça il l'a dit. Vous allez sur son label Underground, le site c'est odgprod.com. Et puis aussi pour le son de système de Attili Bandalero, c'est attili.biz. Et si vous allez sur ce site, vous allez voir, il y a deux reggae mix qui vous sont totalement offerts et qui sont en téléchargement libre. Run Come Call Me et Check Yourself Before We Wreck Yourself. Voilà, big up à eux, merci d'avoir répondu à nos petites questions et revenez quand vous voulez à BXR. Yes, très bon. Donc c'est un peu la fin de cette grosse parenthèse sur Bigarinks. Première partie de l'émission, c'est voilà. Ça, et là on se fait un petit classique d'habitude à ce moment là à peu près de l'émission. On se clash, non Tortoli? D'habitude on se clash, ouais, mais on va se mettre un petit jingle avant. Allez. J'ai lu dans je sais plus quel magazine que... En Belgique, 10% de la population est exclue du jeu de la société. Mais c'est un cauchemar! Vous réagissez négativement! Et le tiers-monde, vous en faites quoi? C'est une bonne question. D'écouter Radio Panique. Sur place ou emporté? D'écouter Tortoli et Arbatax. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Agissons ensemble contre l'analphabétisme. Voilà ce qu'on veut entendre. Joli jingle, Tortoli, joli jingle. Merci, je te remercie, Arbatax. Je les aime tous. Je te les ferai, je te ferai un CD, tu pourras la mettre dans ta compilothèque. Alors, l'expression de la semaine, ça consiste à un clash de deux expressions entre toi, Arbatax, qui va délivrer une expression et qui va la proposer aux auditeurs. Tout à fait. Et moi-même, Tortoli, qui va également proposer une expression qui va la défendre corps et âme. Et voilà, et le but c'est que vous votiez, vous les auditeurs, et que voilà, qu'il y ait quelqu'un qui passe devant l'autre, quoi. Voilà, et on fait ça depuis un petit bout de temps, et donc on entretient un tableau des scores. Voilà, pour l'instant c'est un match nul, je crois qu'on est autour de 15-15. C'était quitté la semaine dernière sur un 15-15. Jeu 7 et match, 15A comme on dit. Et alors, la semaine dernière, nous proposions. Tu peux finir ton bonbon, il n'y a pas de problème. Bah oui, ça va, c'est ça ou de la nicotine. Voilà, vaut mieux ça, quoi. Bah oui, mais tu sais. Oui, maman, il a arrêté de fumer. C'est une tentative, une énième. Alors, comment ça se passe? La semaine dernière, moi, je proposais ça cohère. Tu prends le verbe cohérer. Et puis ensuite tu sors ça cohère à toutes les sauces. Et toi ma petite poule, oui, tu proposais... je vais te laisser avaler ton bonbon. Moi je proposais in you, voilà, parler toutes les phrases en in you, finir jingle in you, une expression in you. Enfin voilà, si vous avez écouté l'émission de la semaine dernière, forcément vous avez adhéré. Et attention, les scores aujourd'hui... Quels sont les scores in you? Eh ben écoute, il y a égalité, c'était 50-50 au nombre de votes. Oh non, bah c'est pas voilà, mal. 50-50, donc on passe sur un 16-16. C'est pas encore cette semaine qu'on va se départager, mais c'est peut-être maintenant. 50-50. Tout va peut-être se jouer maintenant, quelqu'un va peut-être prendre la tête. Attention, l'expression de la semaine sont... Et alors là, on est un petit peu... en concurrence. Ouais, on est un petit peu sur des expressions, d'actualité, quoi. Actu géographie, quoi. Donc là, on est sur deux points forts. Cette semaine, comme vous le savez, jeudi précisément, c'est le 17 mars. Le 17 mars, c'est la Saint-Patrick. fête ô combien importante pour les Irlandais et pour l'Irlande. C'est sympathique. Alors je ne sais pas si vous avez déjà... Bien, elle est très bien. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Je sais pas si vous avez déjà été en Irlande, mais en tout cas, on en dit que Dublin. Ah, c'est tellement téléphoné, ouais. Mais en même temps, voilà, c'est tout ce qui vient pour cette semaine. Voilà, donc en fait, cette semaine, vu que c'est la Saint-Patrick, pour moi, eh ben, je vais essayer de caler un maximum de on en dit que Dublin, mais à tout bout de champ, ouais, on en dit que Dublin, on en dit que Dublin. C'est quoi Dublin ? Voilà, on en dit que Dublin. Ah, toi aussi. Faut-il que je rappelle Non. Non, Dublin, c'est la. La capitale de. Ah non, je pensais que c'était la spécialité de... en France, dans les boulangeries. Ah, d'accord. Tu manges Dublin. Dis donc. Bon, j'arrête. Face à ça, c'est un peu plus tragique. Hein. Enfin, moi, c'est toujours actualité, non, toujours géographie, mais c'est un peu plus... Je sens qu'on se déplace du côté de la plaque Indo-Pacifique. Là. Voilà, on est à peu près à 130 bornes de Tokyo. Écoute, ça m'étonne pas, je sentais que t'allais parler de ça, je sais pas pourquoi. Non, mais il fallait. Moi, je suis dans l'actu, quoi. Je tweet sur Courrier International, donc voilà. Tranquille. Moi, mon expression que je défends cette semaine, c'est « ni pont, ni mauvais ». Voilà, par exemple, là, cette expression, elle est « ni pont, ni mauvaise ». Voilà. Tu peux remplacer ni bon ni mauvais par ni bon ni mauvais à la fin de chaque phrase, à la fin de voilà. Le contexte qui va bien quoi. C'est pas mal. J'avoue que c'est en tout cas nos expressions cohères cette semaine. Ah alors, ouais. On le rappelle, donc on en dit que Dublin et ni bon ni mauvais, c'est les deux expressions de la semaine. Un petit peu éphémère mais très très très d'actualité. Donc n'hésitez pas à voter, ça se passe sur le mail de Tortelière Batax. En fait c'est sur Gmail, donc ça fait wouah. Non même pas wouah parce que c'est même pas un site. Donc en fait tu tapes juste tortelierbatax@gmail.com. Tu nous balances je sais pas ton une des deux quoi, ton ta préférée. Tu peux aussi envoyer un vote blanc mais ça n'a que très peu d'intérêt. Et il y en a qui le font. Mais il y en a qui le font. Ouais, y en a. Ouais, mais tu peux aussi également proposer ton expression. Je te remercie de. Voilà, ouais, je répète ce que t'as dit ou pas? Développe Tortelier. Mais non, c'est ça. Je pensais que tu l'avais déjà dit. Non, voilà. C'était la deuxième idée que je voulais. Très bien. Poursuivre. Alors, l'idée que voulait développer mon cher Arbatax, qui était ni bonne ni mauvaise. En fait, c'est que Tortelier n'a pas beaucoup d'idées en ce moment. Et du coup, il est en rade d'expression. Il a plus rien pour les semaines qui viennent. Donc, n'hésitez pas à lui soumettre. N'hésitez pas à me soumettre quelques expressions que vous appréciez sans. Toutefois, omettre d'expliquer le sens. Mais c'est vrai qu'on en a dit une bonne dose quand même depuis quelques mois et là, il nous faudrait du sang frais quoi. Il nous faudra du sang neuf. Ça veut pas dire qu'on en a plus, mais voilà, si vous avez des idées, des trucs que vous voulez défendre et que vous voulez proposer, n'hésitez pas. Vous savez comment ça se passe. Voilà pour cette petite chronique. Retour à la musique. Ça vous plaît. Retour à la musique. Et donc on passe à la deuxième partie de notre émission. On va se faire plaisir avec une petite artiste découverte récemment, mais qui pourtant fait du son depuis assez longtemps. Hein. J'ai retrouvé des morceaux de 2006, etc. Ah ouais, elle est pas toute jeune. Mais nous on la découvre un petit peu. Enfin en tout cas on tombe amoureux progressivement et c'est dans le sens musical du terme, hein, bien sûr. Soumti du label Scotch Bonnet, du label Jatari, enfin elle est sous différents labels, elle est écossaise. Là on vous balance direct le gros morceau. Comme ça s'appelle Puff the Police. Puff the Police et voilà, c'est Soumti and Disrupt. On écoute ça, c'est toujours un peu reggae. On est dans une thématique un peu reggae, on se la garde. C'est le 105.4, c'est Radio Panique, c'est Tortelière Batax. Reste là, tu vas kiffer. Branche la cassette. This is my new strain of weed, I call it fuck the police. I call it shut your mouth up, sir, and get down on your knees. Now go put down your weapons, please roll your pop on the screen. And then you take off your uniform, quit bound dog and me. G2 soon, easy officer squeals. When we get out of here, you're going to jail, little bee. I said, listen, little piggy, I've got weed that'll make you dizzy. Inhale it, then exhale it, get high and let it be. Puff the police, yeah, man, now women sound the nothing. Puff the police, yeah, puff it, puff on it now. Get up and get down and puff the police, puff, puff the police. You see you will be beaver on the chains of the beast that enslave your wicked mind. Puff on this wicked police. They make you want to leave the laws that tell you what to breathe. Only side effects from puffing is being able to see clear. You will tell you things that make your head ring like a record playing at high speed 200 BPM spin. If you get arrested, expect your mates to rub it in when you know it's just the weed you need that you'll be covered in. I said puff the police, him and now him a sound. Police, yeah, puff the police. it. Yeah, I'm telling the police to stand up and get down. I'm pop the police, pop, pop, pop it. I pop, pop, pop, pop the police. Appreciate, it's a huge fallacy. You think you learn lots of things, but you learn only pokey. Addict, television addict. You are addict, television addict. Mr. Television, where is your creation? Mr. Television, the first thing you do when you arrive at home is to turn on the television. You channel up to the 6, to the 4, to the 2, to the 5, to the 1. You don't create, you don't appreciate, it's a huge fallacy. You think you learn lots of things, but you learn only pokey. You are addict, television addict. Yes, addict, television addict. You are addict, television addict. You are addict, television addict. The first thing you do when you arrive at home is to turn on the television. You channel up to the 6, to the 4, to the 2, to the 5, to the 1. You don't create, you don't appreciate, it's a huge fallacy. You think you learn lots of things, but you learn only pokey. Addict, television addict. You are addict, television addict. Where is your creation? Mr. Television, where is your creation? Mr. Television, the first thing you do when you arrive at home is to turn on the television. You channel up to the 6, to the 4, to the 2, to the 5, to the 1. You don't create, you don't appreciate, it's a huge fallacy. You think you learn lots of things, but you learn only pokey. You are addict, television addict. Yes, addict. Television addict. C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. De retour. C'est ça. C'était donc Pupa Jim, TV Addict. Et voilà, TV Addict de Pupa Jim. Pupa Jim qui est sur le label Jatari. Jatari, c'est un label qui accueille également Soumti. Soumti, c'est la chanteuse qu'on a entendue juste avant. Et Pupa Jim, petite dédicace à un breton. Hein. Un Brestois, apparemment. Un Brestois. Bah, est-ce que c'est incompatible? Alors. Non, mais c'est encore plus un breton. Ah, c'est encore plus. Enfin, bref, on va pas parler. On rentrera dans une discussion régionale. Ouais, voilà, après ça va être chiant. Toujours pour rester sur ce label Jatari qu'on entend en fond là de Pupa Jim. super. Wow. Soumti, c'est une jeune fille. Jeune, hein, jeune voilà. À peu près, elle a 30-40, voilà. Elle vient de Glasgow en Écosse, donc rien à voir avec Dublin, voilà. Non, mais on en dit Dublin de cet artiste. Dublin de cet artiste. Vrai, c'est vrai. Et c'est une toasteuse qui ne fait pas que du reggae. Qui ne fait pas que des toasts. Et voilà, qui ne fait pas que des toasts. C'est génial. Elle a aussi un petit côté rock, un petit côté folk qu'on s'écoutera. Mazzarelli, plutôt braque. Qu'on s'écoutera juste derrière. Elle fait pas mal de choses. Moi, j'ai cru voir. Je parle sous ton contrôle, Tortoli. Peut-être que tu as vu ça. Attention, je vais tirer la laisse. Il y a Miss Kittin qui lui a fait une instru, ou en tout cas qui l'a demandé pour l'avoir sur un de ses morceaux. J'ai vu aussi les Puppet Mastaz, ouais, qui avait un morceau qui s'appelait Mastaplan, et il y avait Soumti dessus. Il y a le sound system écossais de reggae Mungo's Hi-Fi qui déboîte. Dont Biga a parlé dans l'interview. Voilà, exactement, parce que Biga travaille aussi avec eux et ils font des purs instrus et des purs riddims, et elle travaille aussi pas mal avec eux puisqu'ils sont écossais, du label Scotch Bonnet aussi. Enfin bref, une belle écurie, et du coup cet artiste Soumti, ça déboîte, ça tourne pas mal dans nos oreilles en ce moment. J'espère que ça va tourner dans les vôtres. Ouais, on va se repasser un morceau. On vous conseille largement d'aller faire un petit tour sur son MySpace. Le MySpace, c'est myspace.com/MC Soumti, Soomt. Et voilà. Mais comme l'heure avance et que nous avons hâte de savoir ce qui se passe sur Bruxelles cette semaine et le week-end prochain, nous allons tout de suite passer, sans plus attendre, à l'agenda culturel. L'agenda culturel. Alors c'est le moment, bruxelloise, c'est le moment de prendre des notes. Prenez une petite feuille. Prenez votre cahier. Un iPhone, ce que vous voulez. Un petit carreau à spirale. C'est parti. Est-ce que Maguette veut... Non, pas Maguette, Guillemette, pardon. Bonjour à Maguette qui nous écoute en ce moment, mais là c'est Guillemette dont nous avons besoin. Ok, voyons ce qu'elle nous demande. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait ce soir juste après ? Mardi 15, j'ai un petit événement, un seul je veux dire, mais pas un petit, puisque c'est Abdelmalik qui passe à Bruxelles ce soir, à l'ancienne Belgique, a.k.a. la B. Ok, très bien. Et voilà, c'est à 20h, j'ai checké sur le site de la B, il reste normalement des places, donc voilà, si tu veux te faire un petit plaisir de dernier moment, tu vas voir Abdelmalik qui a un album qui vient de sortir qui s'appelle Château Rouge, c'est entre 25 et 28 euros, c'est ce soir, à la B. Moi ce soir j'ai autre chose, c'est Champions League, voilà. je m'en doutais. Passons à demain. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait demain ? Demain. Moi j'ai quelque chose. Sérieux ? Bah oui, parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Il y a aussi le hip-hop. Ah ouais ? Et ouais, il y a M.O.P. Ah non, c'est Thursday. Allez, jeudi. Guillemette, c'est pas grave. Ouais, Guillemette. Bon bah ça sera Ligue des Champions mercredi. Je te vois avec ton big fly de malade. Oh là là. Vas-y, c'est pas passons jeudi. Eh les gars, qu'est-ce qu'on fait jeudi ? Jeudi oui. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer jeudi alors ? Bizarrement. Peut-être du hip-hop alors. Oui, peut-être du hip-hop puisqu'il n'y a pas de Ligue des Champions. Voilà, c'était tout ça l'enchaînement en fait. Je me croyais mercredi. Il y a de l'Europa League hein, pour les losers. Ouais, pour les autres. Il me semble. Donc c'est M.O.P. M.O.P. Exclusive concert. Et c'est un concert qui est organisé par One Nation Under a Groove, qui avait déjà fait venir Redman, il me semble, au Tavernier. Ouais, Gangrène aussi. Et puis ouais, non, c'est un des organisateurs très actifs là sur en Belgique là. Donc voilà, c'est ces organisateurs très actifs, One Nation Under a Groove, ils font venir ce jeudi M.O.P. et c'est au VK. C'est au VK, au voilà. VK. Et c'est 19€ à acheter dans toutes les bonnes Fnac et tous les bons VK. 22€ sur place. Le VK, c'est à Molenbeek et voilà, tu connais. Tu t'arrêtes à Comte de Flandre, tu fais pas chier. Et puis DJ Haral qui chauffera le public. Et puis DJ Grassopa pour terminer la soirée. Yes, exact. Et la soirée est ambiancée, le tout est packagingé par Original Human, dont on avait déjà passé quelques sons. Bien connu sur BX, bien sûr. Du côté du Tag à Rogier, qui a un espace, c'est sous un pont, voilà, juste avant d'arriver aux prostitutes. Tu t'arrêtes au pont et là, t'as différentes galeries qui, en gros, ça s'appelle le Tag. C'est un espace culturel. TAG, Temporary Art Gallery. Voilà. Mais qui, bref, peu importe. Ouais. j'ai déjà vu pas mal de collectifs ou quoi, d'organisations. Enfin, en fonction des soirées, ils changent le nom. Enfin, TAG, ils en font ce qu'ils veulent de ce nom-là. Je sais pas si t'as remarqué. T'es AG, tu me parles pas comme ça. Tu sais quand je suis né, moi. Mais dis donc, je sais pas, mais en tout cas, tu pousses pas dans le bon sens. 84. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est juste après l'année du... Exact. Alors, ça s'appelle... je voulais en parler juste rapidement puisque c'est la première édition. Ça s'appelle Arts After Work. Le concept, c'est que c'est des soirées qui commencent assez tôt, vers 18h, 18h30. En fait, ça se fait un peu dans toutes les grandes villes du monde. C'est pour aller... C'est pour... Mais je connais cette soirée. C'est pour aller en soirée, boire des coups, prendre l'apéro directement après le travail, puisque comme ça se termine un peu plus tôt. Et en fait, voilà, tu peux faire ça en semaine. Enfin, tu comprends le principe. C'est ni bon ni mauvais, c'est bien. Voilà, mais bref, on verra si on en dit Dublin. En tout cas, c'est la première édition, ça s'appelle Arts After Work. Ça coûte 10€ et en fait, à partir de 8h30, t'as une expo du Cercle des Artistes Sans Frontières. Ah, à partir voilà. de 19h, t'as un buffet surprise et puis ça se termine à 20h30 sur un live band. Voilà, donc c'est la première édition, faut voir ce que ça donne. Voilà, c'est un concept, ça s'appelle Arts After Work. C'est à Rogier à l'espace Tag. Et c'est jeudi, passons au vendredi. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait vendredi? Pour commencer bien le week-end. Ah, alors vendredi. Un agenda culturel sans un événement au Recyclard ne serait pas un agenda culturel. Donc vendredi 18, on a choisi la soirée de lancement de la première BD de... Alors attendez, que je me trompe pas. Pierre de Jaeger. Voilà, de Pierre de Jaeger et de Water Monart. Donc deux illustrateurs, deux dessinateurs qui vont, comment dire, vernir leur première BD. La première BD s'appelle Underground, c'est en flamand, je crois. On peut tout de même apprécier les dessins si on ne comprend pas le flamand. Et en tout cas, voilà. Donc ils explosent des planches originales. Et puis voilà, ils font des dédicaces. Et puis il y a aussi un DJ set par Isis qui sera sur le thème du swing. Swing. Tout ça, c'est histoire de faire la fête, fêter la sortie de la BD. Voilà. Donc ça, c'est ce vendredi et c'est au Recyclard. Et je peux en rajouter rapidement qu'au VK, ce même vendredi, il y a la Jarring FX Night. Label Night, voilà. Donc sous le signe du dub, de l'électro, pareil, on connaît bien Jarring Effect, les Lyonnais. Avec Cali Live Dub, Cali Live Dub, et puis on rajoute Brain Damage, et on rajoute Ouzoul, et tout ça pour 13€ en prévente, 16€, et c'est à 20h30 au VK vendredi. Ok, passons au samedi. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait samedi? En mode Saturday Night Fever? Ok, moi j'ai juste repéré une petite soirée samedi pour rester dans le thème de notre émission, c'est au Relais Tir, soirée. T'es hier? Ouais, soirée reggae, il y a souvent des soirées reggae là-bas, j'ai l'impression. On est sur une émission reggae là. Voilà, tout à fait, donc ça s'appelle la soirée Haile Haï Dub, c'est à 21h. Le Relais Tir, c'est rue de l'Entrepôt, du côté de Tour et Taxi qui là-bas. Qui est ce Haile Haï? Haile Haï, ja! Rastafari. Donc c'est démocratique, c'est 12€ en pré-vente. Et pour vous citer les artistes qui seront présents à Haile Haï Dub, ce sera The Bass, un italien, Rasmuffet, du son anglais, Tinka, Jacktivation, belge, et puis les 200 systèmes belges, Kingstep et Higher Heights. Voilà, on va le dire comme j'ai ça. J'ai pas réussi à noter le dernier. Y a une petite, attends, je te répète, il y a une apostrophe au milieu, du coup, je ne savais pas comment on dit. Higher Heights. Ok, mais est-ce que Haile Haï viendra ce... Je confonds parce qu'il y a un label, un son système français qui s'appelle... Non, un label reggae français qui s'appelle Haile Haï. Et là, c'est Higher Heights. Voilà, je m'explique. Et je répète ma question. Est-ce que Haile Haï sera là ce vendredi? Je ne pense pas, mais nous, on pensera à lui. C'est samedi. Voilà, c'est samedi 19. Et c'est voilà, gratuit. Je m'arrête là. Mais non, j'ai déjà dit, écoute un petit peu. Il sert à quoi là, tes deux grosses oreilles sur ta tête là, ça te sert à quoi là? Je viendrai pas. Je passe au dimanche. Allez. Et les gars, à partir du dimanche et la semaine d'après, il y a des trucs. Nada, niente. T'as rien? Nothing. Ah, très bien. Et ben, c'est la fin, c'est la clôture de cet agenda. C'est fini, posez les stylos, posez voilà, les stylos. C'est bon. Vous rendez vos copies. Allez, toi, le petit au fond, tu lâches ta feuille. Tiens, Arbatax, au fait, si tu peux juste. Moi, je m'appelle Tortoli, mais tu peux t'appeler si tu veux. Je m'appelle moi-même. Alors, de ce cas-là, Tortoli, si tu peux vite fait arrêter l'émission, enfin, appuyer sur pause, si c'est possible, parce que je vais juste. J'ai une petite commission à faire. Ah, ouais, d'accord. On va. Désolé, hein, désolé les auditeurs. Deux minutes. Encore faudrait-il que je trouve le. Ah, on peut pas faire de pause. Non, je crois que la pause. Super, génial. Cette émission est préparée comme du papier à musique. Ah. Qu'est-ce que la pause? Là, il faut vite que tu m'aides. Voilà, passons à la pause. C'est la pause. Je vais te ramener de la grenadine, mais attends, j'ai oublié l'eau. Voilà, j'ai ramené de l'eau. J'ai plus soif. Oh là là! Donc, plein de monde ici qui veut de la grenadine. Allez, on reprend notre émission. Fin de la pause. C'est reparti. Alors, fin de la pause, on repart. Retour, c'est le retour du son, Tortoli. Aux machines, à la playlist. Ah, maintenant tu m'appelles Tortoli. Oui. Première nouvelle. Non, bah disons que je ouais. J'avoue. Ja. Passons au son. Ça s'appelle. On va se remettre du Sumpty. Ouais. Et là, justement, dans un registre un peu différent, c'est un peu plus rock. T'entends les guitares derrière. Ouais. Sumpty, S-O-O-M-T. Et voilà. So hétéroclite. So hétéroclite. Get banned, they call the diggers, came to show the people's will. They defied the landlords, they defied the lords. They... Oh là là, et voilà, quand l'ordinateur plante. C'est ça, c'est un pull-up involontaire. Tortoli. Bah c'est pas grave, tu peux parler dessus, non? Non, bien sûr. Alors Tortoli, jusqu'à aujourd'hui, était un animateur, co-animateur très très très très très, très, très bon. On disait que Dublin. Mais non mais voilà, aujourd'hui il craque. Je peux totalement justifier l'affaire. Ce sera un bug de l'ordinateur ici présent. Ah voilà. Dans les studios, donc voilà, le truc a. Bouge pas, je vais aller voir le technicien. Le truc a sauté quoi. Ah du coup on est reparti sur Poupa Jim, j'ai même pas fait gaffe. Ouais, mais je t'ai remis une petite instru, puisque c'est féminin. Très bien. Pour que tu puisses un petit peu discuter dessus, mais je pense qu'on va pouvoir se passer un petit son de rechange. Quand même, hein. Un voilà. Sumpty quand même, je pense que t'as. Un petit on a quand même ça sous la main. Et de toute façon, on approche de la fin de l'émission, donc on se passe un dernier Sumpty. Après, on arrivera. Au classique, juste pour vous dire tant qu'à faire que vous pouvez proposer des choses, des morceaux, des expressions de la semaine, vos événements culturels que vous organisez à Bruxelles. Vous pouvez même venir en parler, en tout cas n'hésitez pas à nous contacter, ça se passe sur le Facebook Tortoli et Herbatax, c'est easy, ou alors sur le mail Tortoli et Herbatax @gmail.com. C'est Sumpty, ganja ganja. Spirit rise up in me temples thunder. When the ganja ganja cause me mind to slumber. When the ground it rumble, when dance at them rage. Rise and explode my insides. And see me fly, make me beat and ground and let out the love. Why speak to me, become my friend from stranger or white. Yeah, we're purple day and get the ganja tonight. Say ganja ganja. Say ganja. Say ganja ganja. Say ganja. Sound system boys, they come in through the PA. They say don't worry, not be happy, coming out the power. Get the whistles and bongos in the jungle. Say you'll do it later, better do it today. We can bang and drum and put the finest drum drum. Is your own belly and your neck and dum dum. With your glory and the zoom zoom. Come on, make the run run. Reggae in the digital style with gum boom. Say ganja ganja. Say ganja. Say ganja ganja. Say ganja. Ganja, say ganja, ganja, say ganja.